et sans se laisser guider par la justice et la raison. Le mot Chō-a veut dire suivre quelqu'un, Kensui, dicte. De Basile, numéro 10. 663. Vangchō, suivre inconsidérément, étourdiment, c'est suivre quelqu'un, s'associer avec lui sans examiner s'il est vertueux ou vicieux, b. L'expression poenjitan signifie des gens qui se coalisent dans un but coupable, qui s'associent pour s'aider à faire le mal. Tout homme qui veut former des relations d'amitié ne doit se lier avec d'autres hommes qu'après les avoir bien choisis. S'il n'examine pas d'avance la nature de leur caractère et de leurs actions, et qu'il entre étourdiment dans leur société, tantôt il appuiera leur discours, tantôt il les aidera dans leur complot, et quand le projet coupable auront échoué, il sera infailliblement enveloppé dans le même châtiment. Les lettrés et les tafous qui se lient avec des magistrats supérieurs ou avec leurs collègues, les fils de fonctionnaires publics, enfin les simples particuliers qui veulent former des relations d'amitié, doivent éviter avec le plus grand soin d'entrer légèrement dans la société des autres. Or, le sage se tient à l'écart et agit seul, et comme la vertu ne manque jamais d'avoir des voisins, c'est-à-dire d'attirer les hommes vers elle, il n'est pas nécessaire de suivre les autres et de marcher sur leurs traces. En général, ceux qui se mettent à la suite des autres et lient amitié avec eux, sont des gens qui recherchent le pouvoir et la fortune, qui empruntent l'appui d'une multitude pour opprimer un petit nombre, ou qui aident les méchants à maltraiter les hommes vertueux. Ils ne manquent jamais de s'attirer les plus grands malheurs. Écoutez les paroles de sa femme ou de sa concubine. Commentaire. Le mot yong, se servir, signifie ici croire, suivre, obéir. La femme, th'2, est l'auxiliaire de l'homme dans l'intérieur de sa maison. Lorsqu'on a fondé une maison, établi un commerce, il se présente souvent des affaires qui ont besoin d'être soumises au jugement de plusieurs personnes. Si quelqu'un émet une opinion juste et sensée, il convient de la suivre sans délai. Mais parmi les femmes, il s'en trouve peu qui se distinguent par leur prudence et leur sagesse, et il y en a beaucoup au contraire, qui ont des inclinations vicieuses, des vues communes et une intelligence bornée. Si le mari est peu éclairé, tantôt il craint la violence et l'emportement de sa femme, et n'ose la contredire. Tantôt il l'aime jusqu'à la folie, et dès qu'elle dit un mot, il est toujours empressé de lui obéir. Les paroles qu'elle prononce sur l'oreiller s'embellissent de jour en jour à ses yeux. Souvent la mésintelligence de deux belles-sœurs amène la discorde entre deux frères. Souvent une petite colère, un léger soupçon, font naître des haines implacables entre les parents et les voisins. Quelquefois une prédilection particulière pour un enfant, ou une sévérité trop grande envers une domestique, porteront une épouse à violer les rites et à manquer à ses devoirs. Mais dès qu'on remonte à la source, on reconnaît que tout cela est arrivé par la faute du mari. Quant à la seconde femme, elle est bien au-dessous de la femme légitime, à qui elle doit obéir en toutes choses. Mais si le mari, épris de sa beauté, concentre toute son affection sur elle et obéit à ses moindres caprices, il relâchera de jour en jour les liens qu'il attache à son épouse légitime, sa maison retentira de querelles bruyantes, et il perdra bientôt le bonheur domestique. Histoire. Qinglian et Kyoshi demeuraient ensemble. L'empereur Hongwu appela Lian auprès de lui et lui demanda comment il gouvernait sa maison. Qinglian lui répondit. Voilà tout mon secret. Je n'écoute pas les paroles des femmes. L'empereur le combla d'éloges. On voit par là qu'il faut se garder d'écouter les paroles de sa femme légitime ou de sa seconde femme. Wang Qing servait sa belle-mère, mais il remplissait mal les devoirs de la piété filiale, et la laissait manquer des choses nécessaires à la vie. King avait deux fils, qui tombèrent ensemble malades, et moururent subitement. Il perdit lui-même un œil, et c'est alors qu'il commença à se repentir de ses fautes passées. Tous les jours il se disait à lui-même, « Voilà où m'ont conduit les conseils de ma femme Shuikyu. » Quelque temps après, King mourut, et fut bientôt suivi de sa femme Shuikyu, qui venait d'être frappée de la lèpre. Un homme de Tsingtien, nommé Ningyu, se laissait égarer par les paroles de sa femme, qui lui dit un jour que sa mère n'était, dans l'origine, qu'une servante. Aussi ne voulait-il pas la reconnaître. Tout le long de l'année, il lui ordonnait de rester à la cuisine pour préparer ses repas, et la traitait à peu près comme une vieille servante. Quand il avait fini de manger avec sa femme, il donnait ses restes à sa mère. Un jour qu'on venait de moissonner du nouveau riz, il ordonna à sa mère d'en faire cuire, et de faire bouillir une poule. Avant que le riz ne fût cuit, il s'éleva un vent impétueux, suivi d'une pluie d'orage. Une pierre énorme se détacha du haut d'une montagne, et vint tomber dans la chambre à coucher de Ningyu. Elle écrasa le mari, la femme et un enfant. Après quoi, elle fit de nouveau une brèche dans le mur, et disparut. Ching Chong Cheu applaudit à cet événement, et composa un livre intitulé Chun Yen Ki, c'est-à-dire Histoire du rocher, qui a châtié le fils dépourvu de piété filiale. On voit par là que ceux qui écoutent les paroles de leurs femmes, et se mettent en révolte contre leur père et mère, commettent le plus grand des crimes. Désobéir aux instructions de son père et de sa mère. Commentaire. Le mot vei signifie résister, ne pas obéir. Par le mot yu, 4, on entend non seulement les instructions de nos pères et mères, mais encore toutes leurs paroles, tous leurs ordres. C'est le ciel qui a institué l'union du père et de la mère qui nous ont donné le jour, et qui nous ont élevés. Toutes leurs pensées se rapportent à notre bien-être et à notre conservation, et leurs instructions répétées n'ont pour but que de faire de nous des hommes accomplis. Si quelquefois ils nous punissent sévèrement, c'est par amour et par sollicitude pour nous. Il ne suffit pas de leur obéir en toutes choses, nous devons encore craindre qu'ils ne puissent fournir une longue carrière. Si par hasard notre père nous commande une chose contraire à la raison, nous devons employer des détours adroits pour lui faire des représentations, lui obéir par respect, et nous acquitter sans murmure du travail qu'il nous impose. Par là, nous ramènerons nos parents à de meilleures dispositions. Mais si nous n'agissons que suivant nos caprices, si nous ne les écoutons pas lorsqu'ils nous parlent, si nous leur obéissons avec un air d'hésitation, ou si nous leur obéissons en apparence, et que nous leur résistions en secret, le ciel ni la terre ne pourront souffrir cette conduite criminelle, qui exclut toute piété filiale. Histoire. Lorsque Fei Yong de Ngou était membre de l'Académie des Anlin, il jouait souvent aux échecs avec un de ses collègues de Quan Chong, et se plaisait à lui disputer l'avantage. Un jour, il le frappa sur la joue en badinant. Son ami se fâcha, Fei se repentit de sa faute, et allait tous les jours lui en demander pardon, mais à la fin, il cessa de l'aller voir. Son père, en ayant été informé, entra dans une violente colère. Il lui remit entre les mains une latte de bambou enveloppée, et l'envoya à la capitale avec une lettre, lui ordonnant d'aller s'accuser lui-même à son ami. Fei entra dans la chambre où il était, avec la latte de bambou et la lettre de son père. Il s'accusa trois fois, et demanda son châtiment. Son ami courut à lui, et pleura amèrement en serrant sa tête entre ses mains. Fei fut rempli d'étonnement, et lui en demanda la cause. Vous avez encore, lui dit-il, un père qui vous reprend et vous corrige. Je cherche une personne qui me rende le même service, et je ne la puis trouver. À ces mots, il donna de nouveau les marques de la plus vive douleur. Dès ce moment, ils continuèrent à s'aimer comme par le passé. On peut dire que Fei Yong ne désobéissait pas à son père, mais les courtes paroles de son ami pénètrent l'âme de crainte et de respect. Laissez les choses anciennes dès qu'on en a de nouvelles. Commentaire. Le mot ku, 4, s'applique ici aux personnes et aux choses anciennes. Le mot sain, 2, désigne ce que nous venons d'acquérir nouvellement. Celui qui oublie les choses anciennes dès qu'il en a de nouvelles, montre qu'il n'a ni attachement sincère pour rien, ni le sentiment de la justice. N'est-ce pas là une faute des plus graves? C'est pourquoi le sage n'abandonne pas ce qui est ancien. Non seulement il ne faut pas oublier une épouse pauvre, ni un ami obscur, mais il ne faut pas même abandonner un objet usé dont on s'est servi autrefois, ni un animal qu'on a nourri pendant longtemps. On dit communément, il vaut mieux conserver ses anciens amis que d'en faire de nouveaux, il vaut mieux payer d'anciennes dettes que d'accorder de nouveaux bienfaits. Cet axiome est d'une grande sagesse. Histoire sous le règne de Tianxing, 2547 à 1565. Il y avait un commandant nommé Ma Liang, à qui l'empereur portait une grande affection. Sa femme étant morte, l'empereur lui adressait chaque jour des paroles de consolation. Au bout de quelque temps, il cessa de paraître à la cour. L'empereur en témoigna sa surprise. Les personnes qui l'entouraient lui ayant dit que Ma Liang venait de prendre une nouvelle femme, il entra en colère, et s'écria. Puisque cet homme digne de mépris, a montré si peu d'attachement pour sa première femme, comment pourrait-il me servir fidèlement? Il lui fit donner la bastonnade, et l'éloigna pour toujours. On voit maintenant beaucoup d'hommes qui, dès qu'ils ont une nouvelle femme ou une nouvelle concubine, oublient tout à coup celle qu'ils ont perdue. Cet exemple devrait dissiper leur funeste aveuglement. Parler autrement qu'on ne pense. Commentaire. Tous ceux dont la bouche est d'accord avec leur cœur sont des hommes droits et sincères. Quand la bouche d'un homme n'est pas d'accord avec son cœur, il y a encore du remède. Mais il y a des hommes qui louent de bouche les empereurs Yao et Sheng, et qui, dans leur cœur, les mettent au même rang que les tyrans Qi et Cheu. Ils emploient des stratagèmes cachés qui échappent à la prévoyance des autres, et s'en servent pour tromper les hommes simples, et causer la perte de leurs amis ou de leurs collègues. Ils sont capables de tous les crimes, et s'il fallait même arracher à quelqu'un la langue et les entrailles, ils n'hésiteraient pas un seul instant. Histoire. Un homme qui était président du tribunal de la magistrature, connaissait à fond les qualités bonnes ou mauvaises de tous les fonctionnaires, cependant en public il faisait constamment l'éloge de chacun d'eux. Mais quand il s'agissait de les recommander pour qu'ils obtinssent de l'avancement, il changeait complètement de langage, et sur sa liste de présentation, on ne voyait jamais un seul de ceux qu'il avait loués auparavant. Un lettré qui approchait l'empereur fut indigné de cette contradiction révoltante. Il présenta un rapport où il montrait par des faits nombreux qu'il ne cherchait qu'à se donner de l'influence et à obtenir de riches présents. L'empereur le dépouilla de sa fortune et le condamna à être destitué. Yu Taoli étant malade depuis longtemps, offrit un sacrifice et pria le ciel de lui conserver la vie. Le dieu Qin Qiyu, Lao Tzu, rendit la décision suivante. Depuis que Yu Taoli est au monde, ses paroles sont toujours en contradiction avec ses pensées, et depuis son enfance jusqu'à l'âge mûr, Il n'a pas fait une seule bonne action. Son crime est avéré, il mourra au premier jour. C'est en vain qu'il flatte les dieux pour obtenir sa délivrance. Lutaoli mourut en effet au bout de quelques jours. Ces deux exemples nous montrent comment le ciel punit ceux dont la bouche est en contradiction avec leur cœur. Demander des richesses avec une aveugle cupidité et avoir recours à la fraude pour tromper ses supérieurs. Commentaire. Le mot « temps » signifie ici demander, exiger, sans être jamais satisfait ni rassasié. Le mot mao de veut dire être aveugle et déhonté. L'expression qui vang signifie employer la ruse et la fraude pour tromper. Les mots qui chang désignent en général toutes les personnes placées dans un rang supérieur. L'homme qui ne songe qu'à demander des richesses sans éprouver un sentiment de honte et qui va jusqu'à tromper ses supérieurs, montre qu'il est entièrement dépourvu de probité et de droiture. Par exemple, un magistrat impose à son profit de nouvelles taxes pour dépouiller le peuple et tromper l'empereur. Le secrétaire d'un bureau d'impôts falsifie ses livres de compte pour dilapider l'argent et les grains et tromper le magistrat de qui il dépend. Un domestique cache des choses précieuses pour tromper le maître de la maison. Quand même les personnes que nous venons de citer acquéraient un moment de grande richesse, elles n'en jouiraient pas longtemps impunément. Histoire réseau en ayant été chargé de châtier les rebelles du Midi, il acquit une quantité d'or et de choses précieuses qui se montait à 10 000 onces d'argent. Aussitôt il présenta à l'empereur une requête où il disait « Votre serviteur a l'intention de bâtir un temple de Efo dans l'arrondissement de Yingcheu. J'ai vu sur la montagne Lian Shan, un temple appelé Tonglinsé, qui renferme 500 figurines de disciples de Efo. Je désire les rapporter avec moi. » L'empereur lui accorda sa demande. Il prit un bâtiment de l'État, et il chargea les caisses, qui contenaient les richesses qu'il avait ramassées, ayant soin de placer à la partie supérieure des figurines de disciples de Efo. Les bateliers s'imaginèrent qu'ils ne transportaient autre chose que ces figurines. Quelque temps après, il fut nommé général, avec le titre de Wei Yuan Xiangqiu. Il pillait de vive force les peuples qu'il devait protéger. Mais sa conduite criminelle fut dénoncée par Sun Suivang. L'empereur le dépouilla de tous ses biens et l'envoya mourir en exil à Tangcheu. Ses fils et ses petits-fils furent réduits à errer dans tout l'empire en demandant l'aumône. On voit par cet exemple que ceux qui demandent des richesses avec une aveugle cupidité et qui trompent leurs supérieurs sont toujours punis sévèrement de leurs crimes. Inventer des propos calomnieux pour perdre les hommes de bien. Commentaire. Les quatre premiers mots signifient inventer des faits controuvés et répandre des paroles envenimées. Les mots th'ai signifient calomnier quelqu'un. L'expression pingjin signifie un homme innocent, irréprochable. Lorsqu'on calomnie quelqu'un de manière à le mettre dans l'impossibilité de se justifier complètement et d'obtenir la réparation du tort qu'on lui a fait, on attire sur soi la colère des hommes et des démons. Histoire autrefois Li Shouqing était chargé d'examiner le mérite des personnes qui sollicitaient des emplois, et il montrait toujours la plus scrupuleuse attention et le plus noble désintéressement. Un de ses collègues, nommé Sun Yong, était un homme sans mérite, qui flattait bassement ceux qu'il cherchait à perdre en secret. Craignant que Li Shouqing ne révélât ses vices, il inventa pour le perdre la plus odieuse calomnie. Il dit en public qu'il entretenait des relations criminelles avec sa sœur, et qu'il les avait surpris tous deux en flagrant délit. Shocking n'ayant pu se justifier complètement, se coupa la gorge, et sa sœur se pendit de désespoir. Quelques jours après, la foudre écrasa Sun Yong sur le seuil de la porte de Shocking. On lisait sur sa poitrine les huit mots suivants en caractère rouge, ou Kichituan, Vu Kao Shenjin, pour cacher mes propres fautes, j'ai calomnié un homme de bien. L'innocence de Shocking fut bientôt reconnue. Cet exemple devrait effrayer ceux qui forgent des propos calomnieux pour perdre les autres. Diffamer les autres, et se dire un homme droit et sincère. Commentaire. L'expression « Eijin » veut dire mettre en avant quelque action honteuse pour perdre la réputation des autres. Les mots « Chi » signifient s'appeler soi-même un homme droit et sincère. Un homme droit porte un cœur honnête et sincère. Il parle quand il le faut et engage les autres hommes à se corriger de leurs fautes. Quant à ceux qui calomnient les autres, pour flétrir leur réputation et satisfaire leur propre colère, ils montrent pour les hommes un mépris qui tient de la cruauté. S'ils osent encore se dire des hommes droits pour en imposer aux autres, on peut affirmer avec vérité qu'ils trompent leur cœur et qu'ils s'aveuglent eux-mêmes. Leur conduite mérite d'exciter l'indignation publique. Histoire. Shocking était d'un caractère méprisant. Qu'un homme fût pauvre ou riche, spirituel ou borné, il n'échappait jamais à ses critiques et à ses calomnies. Si un homme ne donnait pas prise à sa censure, il avait l'adresse de lui trouver des défauts ou des vices pour le calomnier. Sur la fin de sa vie, il lui vint un abcès à la langue. Lorsqu'on l'ouvrait, il ne se trouvait soulagé qu'après avoir perdu plusieurs tasses de sang. Chaque année, on était obligé de lui faire 5 ou 6 fois cette opération qui lui causait des douleurs inouïes. À la fin, tout son sang se tarit, et il mourut quelques instants après. Un moniteur impérial, nommé Qingming Tao, disait un jour à l'empereur: si votre majesté m'ordonne de corriger les fautes des autres et de recueillir les objets perdus, j'y consens. Mais s'il faut que je recherche leurs qualités ou les défauts des autres pour acquérir la réputation d'homme droit et sincère, cette tâche est au-dessus de mes forces. Yen Suiyu disait: il y a des gens qui, voyant un homme pratiquer la vertu, l'appelleront un pédant, un hypocrite, ou bien ils diront qu'il est trop indulgent pour les autres, et que par sa condescendance il les entretient dans le vice. Il y a encore une autre espèce de gens qui mesurent les hommes d'après eux-mêmes. S'ils ne les calomnient pas en disant qu'ils achètent de la réputation et qu'ils pêchent des louanges, ils diront qu'ils n'aspirent qu'à obtenir du bonheur et des récompenses, et qu'ils cherchent le bien public par intérêt personnel. Enfin, il n'y a pas de calomnie qu'il ne déverse sur les autres. Alors ils contentent la malignité de leur cœur, sous prétexte de paraître franc et sincère. Mais ils ne peuvent échapper au châtiment des démons et des esprits. Tout ce que nous venons de dire devrait ouvrir les yeux de ceux qui sont sujets à ce grave défaut. Blasphémer les esprits, et se dire un homme vertueux. Commentaire. Confucius disait que la vertu des esprits est grande. Il disait encore: respectez les esprits et tenez-vous loin d'eux. On voit par là que la doctrine des esprits a été reconnue dans tous les temps. On ne doit pas flatter les esprits ni les mépriser. À plus forte raison n'est-il pas permis de les blasphémer. Celui qui blasphème les esprits montre qu'il est en révolte contre eux depuis longtemps. S'il ose encore se dire vertueux, on peut affirmer avec vérité qu'il trompe effrontément le ciel. Comment pourrait-il rester impuni? Histoire. Yuan Chen, qui vivait sous la dynastie des Tsin, fit un mémoire intitulé Vukweilin, sur la non-existence des démons, et il était fort content de son travail. Un jour un étranger demanda à lui rendre visite, et discuta en sa présence sur l'origine des vents. Chen ne put réfuter ses raisonnements. Quelques instants après, il amena la conversation sur les démons et les esprits. Chen, qui tenait aux opinions qu'il avait émises dans son mémoire, soutint opiniâtrement qu'il n'existait pas. Mais l'étranger lui dit d'une voix terrible. Les sages et les saints hommes de l'Antiquité ont tous cru à l'existence des démons et des esprits. Vous êtes le seul qui osiez la nier. Eh bien, je suis un démon. À ces mots, il se changea en un chien furieux, tout prêt à s'élancer sur lui. Chen fut glacé de terreur et mourut sur le champ. Si donc il n'est pas permis de raisonner sur l'existence des démons, à plus forte raison, ne doit-on pas blasphémer les esprits? Mais si un homme blasphème les esprits et ose encore se dire vertueux, il est bien certain qu'ils ne le souffriront pas longtemps sur la terre. Un certain Yu, de Qinqiang, qui demeurait à la porte appelée Timpomen, avait un fils en bas âge qui mourut de la petite vérole. Il entra dans une violente colère et écrivit une accusation contre le dieu qui préside à cette maladie, dans l'intention de la porter au temple du dieu de la ville. Mais sa femme lui arracha l'accusation des mains et la brûla au feu du foyer. La nuit suivante, Yu vit en songe le dieu protecteur de la ville, qui lui adressa les plus sévères reproches. « Le dieu du foyer de votre maison, lui dit-il, m'a rapporté que vous avez écrit une accusation contre le dieu de la petite vérole. Mais comme vous êtes un homme d'un esprit borné, je vous châtierai avec indulgence. Je vous livrerai à un juge qui vous fera donner 50 coups de bambou. » Le lendemain, Pan Zhuting, gouverneur de Tantouyin, vint à sortir par la porte appelée Timpoumen. Yu ayant suspendu devant sa maison un objet qui avait crevé le parasol du gouverneur, on le prit sur le champ, et on lui appliqua au milieu de la rue 50 coups de bambou.